Chapitre 7e. C'était dans cette grande maison de la rue de Châteaudun, au magasin ouvert le matin à 7h et clos le soir à 6, excepté les jours fiévreux d'expédition et de coups de feu, que Ribert vivait, travaillant seul bien souvent, ou avec Olivier, lorsque les commis étaient partis. L'appartement donnait sur la rue, au premier étage, et des fenêtres de derrière, on voyait les bureaux vitrés au rez-de-chaussée. André, plus d'une fois, était resté debout dans l'ombre, le front sur la vitre, regardant les lueurs de ses becs de gaz sur lesquels travaillaient, la tête brûlée, son père et ce jeune homme. Olivier était, pour elle comme pour Hubert, une sorte de parent. Il lui semblait qu'elle l'avait toujours vu là. Quand il était entré à la maison, à 19 ans, elle en avait 13. C'était une enfant. Et bien plus petite encore, vers 1869, elle se rappelait un grand garçon de 15 ans qu'elle rencontrait quelquefois vêtu en collégien chez l'oncle Ducret et dont on lui disait « C'est Monsieur Olivier ». Elle le revoyait parfaitement dans ses souvenirs de petite fille. Sa tunique et son képi galonné de lycéen lui avaient fait peur une fois dans l'escalier. Puis des années avaient passé. André n'avait certes plus pensé à Olivier lorsque, tout à coup, elle l'avait revu dans la maison de la cour des petites écuries. Elle encore fillette, lui déjà un homme. Et depuis, il ne s'était presque plus quitté. Il lui avait, autrefois, appris à dessiner. Elle avait encore de lui des bons hommes et des paysages dans un album qu'elle conservait. Elle l'aimait profondément. Elle l'aimait parce qu'elle savait, à ne pas s'y tromper, combien il aimait Ribert. Elle l'aimait aussi parce qu'il était pauvre, fils de son travail. Et si dévoué, disait-on. Guillemard l'appelait parfois en plaisantant « Eh, prie mon tion !» Olivier ne s'en fâchait pas. Il avait eu pour sa mère un dévouement admirable, ou plutôt tout simple, essuyant de ses baisers les larmes de la pauvre femme, très triste toujours, comme poursuivie par de cruels souvenirs. « Vous êtes un brave et bon garçon, Olivier, » disait souvent M. Ribert. La figure sérieuse du jeune homme souriait alors. « Bah, c'est comme si vous me disiez que je sais mes 4 règles. La bonté et l'honnêteté, c'est l'arithmétique élémentaire. » Olivier savait un gré infini à Victor Ribert de le traiter ainsi. En ami, presque en parent, plutôt qu'en commis. Ils s'étaient donnés corps et âme, comme ces natures un peu âpres qui se sont déjà vouées tout entières, quand elles ont l'air de ne pas vouloir se livrer. Ils s'étaient donnés à cet homme qu'il voyait pris dans l'engrenage, à cet André dont la douceur l'enveloppait d'une affection visible, pareille à une fraternelle caresse. Il lui semblait qu'en redoublant de courage pour rendre à Ribert la tâche moins écrasante, il payait une dette, tout simplement. Le père d'André avait été si excellent pour la chère sainte qu'Olivier avait perdue. Et André elle-même, comme elle avait soigné la pauvre femme, c'était au chevet de la mourante qu'Olivier avait senti combien l'amitié de la jeune fille lui tenait au cœur. Aussi bien, avec son tempérament bouillant de soldat qu'il pliait à la discipline quotidienne du bureau, Olivier éprouvait-il des révoltes sourdes, violemment étouffées, contre le sort qui condamnait Ribert à une lutte lente, farouche, à la poursuite acharnée, non pas même de la fortune, mais du salut. Un tel homme, bon comme le bon pain, strangulé par la nécessité, lorsque tant de gens qui ne le valaient pas avaient dans la vie des chances insolentes comme autant de soufflets donnés à l'honnêteté. Il ne faut pas songer à cela, se disait Olivier. On deviendrait trop facilement un révolté. Il lui avait semblé d'ailleurs ce matin de mai où Geneviève et André rejoignaient au vernissage le cousin Louis et Guillemard, que Victor Ribert, l'œil inquiet d'ordinaire, avait dans le regard une expression inattendue d'espoir, une sorte de confiance. « Je saurais bien ce qu'il y a de nouveau, » pensa Olivier. Le négociant lui disait tout, et dans ce besoin d'expansion qu'ont les souffrants, dans l'étouffement de leur douleur, c'était au jeune homme qu'il confiait ce qu'il cachait là-haut, à Geneviève, même à André. Madame Ribert était remontée chez elle, et lorsque Ribert se trouva seul, il regarda encore avec une inquiétude amère dans les glaces cette sorte de spectre de lui-même qui était lui. Il hochait la tête, ses mains moites de fièvre appuyées au marbre froid de la cheminée. « C'est vrai, pourtant, se disait-il, j'ai vieilli. » « Ah, de l'énergie, diable! Que deviendrait-elle, mes pauvres chéris, si je les laissais toutes seules, maintenant ?» Il avait pris, avec son orgueil, sa sauvagerie d'homme timide. Un parti décisif, le matin même, justement. C'était se condamner trop niaisement à une solitude sans profit. Tous les efforts tentés là, du fond de son bureau, lettres écrites, sollicitations, correspondances, combinaisons pleines d'espoir qui crevaient comme des ballons d'enfant, n'étaient qu'un labeur obscur dans une taupinière. Ce n'était pas à la porte du rez-de-chaussée de la rue de Châteaudun que la fortune irait frapper brusquement. Elle ne venait pas, lui. Eh bien, Ribert irait à elle. Il avait tant de fois songé à l'oncle Ducret, sans se décider à rien demander à ce vieil homme égoïste et sec. Mais il était temps de renoncer à la fierté si l'on voulait vivre, ou, ce qui était plus poignant, faire vivre les autres. Les paiements prochains tenaient Victor Ribert à la gorge, comme une angine. Échéance en mai, à fin juin, à fin juillet. Dans trois mois, et les jours passent si vite. Si l'argent n'était pas trouvé, c'était le dénouement, l'écroulement. Et quelle chute, la faillite. Aussi, Ribert avait-il résolu d'aller droit à l'oncle Ducret. Il n'avait jamais fait appel au vieillard, et souvent, cette sorte de squelette vivant qui se traînait là-bas de son lit à son fauteuil, lui avait dit « Tu es mon neveu, Victor, à l'occasion, ne l'oublie pas. » « Promesse en l'air, pure politesse, disait Louis, le vieux Ducret était un simple farceur. » Victor irait s'en assurer. Il plaiderait devant le vieillard moribond la cause d'André, la fille de Madeleine Ducret, celle de ses trois sœurs que Sylvain avait toujours préférées. Et Victor Ribert, pour se donner du courage, se répétait, trembleur qui voulait s'aguerrir. « Après tout, que lui demanderais-je à l'oncle Ducret ? Un prêt, tout simplement. Je lui rendrai son argent. Qu'est-ce que 80 000 francs pour lui et pour moi ?» Il hochait la tête. « Pour lui ? Ce que c'était pour lui ? La vie même. » Et il hésitait. Il avait la vanité niaise de ne pas demander un service à cet homme, le chef de la famille après tout. Et puisqu'il s'agissait de l'honneur du nom, j'irai demain. En montant dîner, il prit Olivier à part sur le seuil du bureau. J'attends demain, après déjeuner, la visite d'un client de Porto Santa Maria. Vous le recevrez, Olivier, n'est-ce pas? Et m'excuserez. Moi, je serai sorti. Oui, je vais chez Monsieur Ducret. Monsieur Ducret, dit Olivier, dont les sourcils noirs se rejoignirent au-dessus de son nez droit, très fin. Sa physionomie énergique était devenue presque sévère. Il passait sa main sur ses petites moustaches noires, fébrilement. « Cela vous étonne de me voir sortir ?» ajouta Ribert en souriant. « Oui, je sais. Vous n'aimez pas, Monsieur Ducret. »« Je ne l'aime ni ne le déteste, » répondit Olivier. Et de sa voix brève, il laissa tomber, comme une sentence. « Je n'ai pas à le juger. » Puis, souriant à son tour, et regardant Ribert avec une expression de dévouement absolu, presque mélancolique, comme s'il devinait le but de la visite au vieillard. « Bonne chance, monsieur Ribert. »« Messieurs, » dit-il au commis, « vous pouvez fermer. » La soirée se passa pour Victor dans une longue réflexion de tacticien à la veille d'une bataille. Pendant que Geneviève, un peu triste, le salon lui avait, disait-elle, donné la migraine, s'étendait sur une chaise longue, l'œil au plafond, regardant l'auréole que faisait, près de la rosace, la lampe qui éclairait André et Miss Maud, en visite, jouant distraitement au jaquet pour tuer le temps. Le pauvre homme, si peu habitué à solliciter, se demandait comment il s'y prendrait pour aborder, auprès du vieil oncle, la question d'argent. Il en avait chaud d'avance. Parler d'argent, se présenter devant ce vieux comme un mendiant qui demande l'aumône, qu'est-ce que Ducret penserait de lui? Et il faisait peu à peu ce rêve qu'il n'avait besoin de personne, que la maison marcherait, que Geneviève était heureuse, qu'il n'avait pas à solliciter, et le bruit des dés jetés sur le bois du tric-trac, des dames poussées ou empilées doucement, le berçait d'une façon bizarre, monotone et douce, comme le bruit régulier d'une pendule coupant ce silence d'une placidité de tous les jours. Il s'était même presque assoupi, harassé sans doute, laissant tomber à côté de son fauteuil le journal déplié, lorsque Geneviève, qui était sortie pour chercher dans sa chambre des carrés de guipure, rentra, agitée. « Qu'y a-t-il ? » fit Victor. « Rien. Il y a que Françoise se dispute avec la vieille Catherine et déclare que le service de la maison est trop dur. » Elle ajouta, regardant son mari d'un ton plein de reproches. « Vous entendez ? » J'ai peur, interrompit vivement André, que Françoise ne s'ennuie à Paris. Et décidément qu'il ne faille la congédier. Le mal du pays, peut-être. Un mal qui, pour cette fille, se traduit par un service de moins en moins insupportable. Mais si vous voulez, je lui ferai comprendre qu'elle a grand tort de désobliger Catherine. Je regretterai, Françoise, fit Geneviève. Elle était à droite, elle coiffait bien. Héribert n'osait parler. Il dit pourtant qu'on tâcherait de retenir la femme de chambre. Mais cependant, si Françoise voulait partir, il ne fallait pas trop regretter les gens qui s'en vont ainsi, fourriers de désastre, éclaireurs de la déroute. Puis le négociant pensait qu'après tout, cette pauvre Françoise était domestique pour gagner sa vie, et sentant la ruine, redoutant d'être mal payée, ne demandait qu'à les servir ailleurs. « Si elle s'en va, on la remplacera, » dit-il à Geneviève. Mais ce simple incident, ce petit fait douloureux, surtout parce qu'il laissait deviner, le réveillait brutalement de sa quiétude, lui montrait plus cruellement encore la nécessité d'aller droit à l'oncle Ducret, et puisque c'était décidé, puisqu'il s'y rendrait demain. Demain, comme c'était loin, et cependant, pour ce timide, comme demain arriverait vite. Victor déjeuna à peine le lendemain, inquiétant André et Geneviève, comme s'il était malade. L'effroissement de Vietnam dans son regard, qu'il semblait au contraire rager seulement au bout d'un moment ce que gagnait en spéculant, après avoir embrassé et réembrassé sa femme et sa fille. Il prenait du courage sur leurs joues. Certainement, s'il fût allé à un duel, il eût été moins ému. Lui, qui jamais n'avait sollicité ni l'oncle ni personne, il s'était débattu, travaillé, pioché, c'était tout simple. On fait de l'argent avec son sang, ses insomnies, sa fièvre, l'émiettement maladif de sa vie, mais du moins, on ne monte pas l'escalier des autres, on ne tire point, tremblant, un cordon de sonnette avec des peurs de mendiant, on ne traverse pas, sous l'œil narquois des laquais, les antichambres où l'on vient implorer. C'était pourtant cela que Ribert allait faire maintenant. L'oncle Ducret, il le revoyait, dans son fauteuil à oreillettes, décharné, malicieux, méchant, et prenant plaisir à affecter une surdité qu'il n'avait pas. C'était du cœur, surtout, qu'il était sourd. Et c'est à ce vieillard, dur comme ses clés, sec comme ses os, à ce squelette cliquetant et caquetant à travers sa chambre, qu'il allait crier. « Je me meurs faute de 80 000 francs. Je sombre. Je vais disparaître. Sauvez-moi. » « Il ne te sauvera pas, tu verras. Va, il ne te sauvera pas. » Et de quel droit Victor accusait-il Ducret jusqu'au moment où, ayant tout confié au bonhomme, l'oncle répondrait par un refus? Ce qu'il allait lui demander, qu'était-ce donc, encore une fois, pour ce riche, une misère? Ribert était arrivé, marchant très vite, devant la porte d'entrée d'un vaste hôtel de la rue Caumartin, vieux bâtiment bourgeois d'une immensité cossue, sentant le notariat ou la haute banque. Des panonceaux flambaient au-dessus du portail comme des boucliers d'or. C'était là, là, au premier, derrière ces hautes fenêtres closes. Dans 2 minutes, Ribert allait se trouver face à face avec le vieux Ducret. Ah, il fallait être éloquent, il fallait tout dire. Mais en pensant à André, mélancolique, et à cette Geneviève, son adoration dont il sentait la souffrance vague, Victor saurait bien toucher le vieillard, oui, là, au cœur. Il monta, après une hésitation, rapidement les marches du large escalier à rampe de fer et sonna. Un domestique de haute taille entr'ouvrit la porte, parlementant avec Ribert, répétant que monsieur était souffrant, monsieur était en affaire, monsieur n'était pas visible. Lorsqu'à hauteur du coude de ce grand garçon à mine diplomatique, Victor aperçut un petit visage tout rond de vieille femme, un visage coiffé de tulle noire et luisant, rouge comme une pomme. « À quoi pensez-vous, Vincent ?»« C'est, » dit une petite voix surette, sortant de dessous le bonnet noir, « le neveu de monsieur. » Ribert entra, remercia Madame Mélie Brunet, la gouvernante de Ducret, petite vieille trottinant partout comme une souris et qui, ridée affreusement, avait l'air de rire toujours et ne riait jamais. « Où est monsieur Ducret ? » demanda-t-il. « Dans le salon. » Elle s'empressait devant le négociant et traversait une antichambre longue où, par 2 fenêtres, la lumière entrait traversant des vitraux de tous les temps, superbes, avec des reflets de rubis et des taches d'émeraude sur d'admirables bahuts de la Renaissance et de Louis XIII. C'était un connaisseur, l'oncle Ducret. Ribert éprouvait toujours, lorsqu'il entrait chez lui, l'impression à la fois tristante et respectueuse d'une visite au musée de Cluny. Le logis sentait le luxe et la mort. Richesse d'antiquaires logés partout dans un vaste appartement fait pour les grandes réceptions et condamné à la solitude de ses bibelots précieux et de ses meubles rares. L'accumulation de ces richesses disparates, au lieu de charmer, donnait froid. Elle faisait penser à quelques magasins de bric-à-brac. Tout traînait. Il y avait des tableaux à terre, des faïences en tas, sous les bahuts. M. Ducret non seulement choisissait, mais il entassait. Sa rapacité d'avare se doublait de la voracité du bibelotier. Ribert était bien certain de se sentir ému en face de l'oncle, mais la secousse fut plus vive encore qu'il ne s'y attendait. « Il est avec M. Molina et son ami, » avait dit Mélie Brunet, « mais ça ne fait rien, entrez tout de même. » Et elle avait ouvert la porte. Ribert s'était alors trouvé devant le groupe stupéfiant de trois hommes dont l'un, l'oncle Ducret, tournant le dos au jour, était à peine visible dans l'enfoncement de son grand fauteuil Louis XIV, et dont les deux autres, Molina et un petit homme à tête d'huissier, noir comme un corbeau, Célestin Rodillon, se tenaient plantés des deux côtés du fauteuil, pareils à des médecins collés au flanc d'un moribond. Au milieu du salon aux rideaux sombres, tout regorgeant de meubles exquis ou bizarres, d'armures, de statuettes, d'un encombrement de bibelots où ce groupe éclairé par ses éternels vitraux qui donnaient au logis un air d'église, prenait des aspects singuliers. Pas un de ces hommes ne bougeait. Ribert pouvait croire, s'il l'eût voulu, à des figures de cire. Il avait interrompu évidemment quelques conversations, et il cherchait comment s'en excuser, lorsque du fauteuil immense surgit, en se dressant, une longue silhouette grêle, quelque chose comme une pièce d'ostéologie enveloppée dans une robe de chambre bleue, au brandebourg usé, le crâne bourgeoisement coiffé d'une calotte de velours noir à fleurs brodées, et de ses ossements qui remuaient, une voix sortie, étonnante, retentissante, claire comme une trompette et coupée de temps à autre d'un rire bizarre partant du gosier. « Ah, c'est toi, Victor. Très bien, mon ami. Assieds-toi, je t'en prie. Je suis en affaire. Je ne me gêne pas avec toi. » Ribert s'assit, et en même temps la silhouette, enveloppée dans sa robe de chambre, se renfonçait dans le fauteuil. Mais Victor avait eu le temps de voir, frappé par la lumière, le visage mince, ricaneur comme le masque voltairien, aigu et cruel du vieillard, s'éclairait d'une espèce de joie malicieuse, et cela l'étonnait bien, le pauvre homme, de voir l'oncle Ducret si content de sa visite. Entre les trois hommes, une espèce de discussion avait repris aussitôt, qui semblait étrangement confuse aux négociants. Ils parlaient argent, ils parlaient affaires. Molina, gros homme, dans le mouvement, riant toujours, toujours pimpant et tintant comme un sac d'écu, conseillait à l'oncle Ducret, ce qu'il appelait avec fort accent de Marseille, un coup d'audace, thé, un coup de maître. Racheter en bloc tout l'emprunt de Swab, à eux trois, Ducret, lui Molina et Rodillon, ici présents, le petit homme à tête d'huissier saluait, et quand on l'aurait bien centralisé, et donc une poussée, il rebondirait. Péquer, l'emprunt de Swab, comme une balle de caoutchouc. Vous croyez, Molina, disait lentement du fond de son fauteuil l'oncle Ducret. Ribert, frappé par ce nom de Rodillon, qu'il avait entendu citer bien des fois par Guillemard, avait regardé cet homme râblé et noireau qui faisait tant parler de lui. Un roi, tout bonnement, ce Rodillon, riche à prendre ses banknotes à pelleter, parti de rien, arrivé à tout. C'est étonnant, pensait Victor, il n'a pourtant pas l'air supérieur. Supérieur, il faut croire que si. Et avec son ignorance de brave homme qui vit hors du mouvement, il écoutait, croyant parfois vaguement à quelque argot, ce que disaient là ces trois hommes. Des mots dont il n'avait pas l'habitude le frappaient. Le mot syndicat revenait souvent, sonnant comme une fanfare. Syndicat, sur les lèvres de Molina. Il s'agissait, paraît-il, d'une grosse affaire. Ah, ce serait un joli grouillement dans la fourmilière, place de la Bourse, lorsqu'on saurait que Molina le tombeur, le vieux Ducret et Rodillon, du crédit franco-exotique, tenait tout le souab et n'en donnait plus ni pour or ni pour argent. Victor voyait, dans le fauteuil, les os des longues mains de Ducrèce frotter les unes contre les autres, avec des craquements sensuels. Parfois, Rodion jetait vers Ribert un coup d'œil de côté, défiant. Mais d'un geste, Ducrèce le rassurait, et quant à Molina, pouah, il se moquait bien qu'on l'écoutât. Il faisait ses affaires au grand jour, Molina, carte sur table. C'est lui qui avait répété au grand Van Père, le Hollandais. « Toi, mon bon, avant un an, je t'aurais fait sauter comme un poulet. » Et il l'avait fait. Disant ensuite au vaincu, « T'es donc, je t'avais prévenu, Molina, il blague jamais. » Dans tout ce qui se disait là, Victor ne percevait clairement qu'une chose. Il se brassait devant lui, entre ce moribond et ces deux hommes, quelqu'une de ces grosses affaires qui produit sur la bourse l'effet de tempête d'un coup de vent sur la mer. Il lui semblait qu'il entendait bruire, dans toutes les paroles de ces hommes, des tintements d'or, des froissements soyeux de billets de banque. S'il avait, lui seulement, au bout de l'an, ce que gagnait en spéculant, en bavardant ainsi, Molina en un jour, de ce gâteau à venir qu'on pétrissait là, à tour de bras et à coups d'argent, s'il eût eu des miettes seulement. Il se sentait des bourdonnements aux tempes, des avidités de pauvres devant les boutiques de changeurs. Il n'est pas vrai que l'argent ne sente rien. Ribert avait dans les narines comme une odeur d'or. Et puis, ce spectacle stupéfiant le troublait. Cet homme, presque mourant, cadavérique, s'occupant là d'une opération qui devait bouleverser Paris, ce squelette s'agitant sous le prurit de l'or, les yeux ternes du vieillard retrouvant des étincelles de vie, des éclairs amoureux, lorsque Molina parlait des bénéfices futurs et faisait ruisseler les millions qu'on allait encaisser. Instinctivement, sur la couverture qui lui enveloppait les jambes, le moribond comptait alors, comptait en agitant ses tibias en chair, les sommes imaginaires qui tomberaient là. Et Ribert voyait presque avec effroi les genoux de l'oncle, creux comme des crânes, trouer la couverture et sautiller avec une volupté convulsive. Cette joie macabre lui faisait pitié. Il fut enchanté de voir les deux hommes, plantés à côté de Ducrèce, tendre brusquement la main au vieillard et se retirer. « Allons, tout était dit, tout convenu. « Nous allons faire l'affaire, » dit Rodion gaiement d'une gaieté sèche de procureur. « À la bataille, » ajouta Molina. Le Marseillais se tourna vers Ribert. « Ça ne vous met pas en appétit, ces petites opérations-là ? Vous savez, si le cœur vous en dit, Victor Ribert, notable commerçant, était, ça n'est pas à dédaigner dans un conseil d'administration. » Ribert regardait Molina sans trop savoir si le financier parlait sérieusement. Il lui montait au front des bouffées chaudes, comme dans les journées de fièvre. « Et votre charmante fille ?» demanda encore Molina. « Vous ne la mariez pas ?»« J'y songe, » dit Victor, pour répondre quelque chose. « Elle ne doit pas manquer de partie. T'es, Rodion, tu devrais l'épouser, toi, au lieu de te faire plumer et croquer tout vif par Alice Hervier. Mais je badine. » « Mademoiselle André, elle ne vaudrait pas de toi. Et elle aurait joliment raison. Après toi, mon bon. » Et laissant passer devant lui Rodion vexé, Molina disparut, emplissant encore l'antichambre de son grand rire de Mondor.